Ézéchiel chapitre 47. Puis il me fit retourner vers l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'orient, car le devant de la maison était vers l'orient, et ces eaux-là descendaient de dessous, du côté droit de la maison, de vers le côté méridional de l'autel. Puis il me fit sortir par le chemin de la porte qui regardait vers le septentrion, et me fit faire le tour par le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure, même jusqu'au chemin qui regardait l'orient, et voici, les eaux coulaient du côté droit. Quand cet homme commença de s'avancer vers l'orient, il avait en sa main un cordeau, et il en mesura 1000 coudées, puis il me fit passer au travers de ces eaux-là, et elles me venaient jusqu'aux 2 chevilles des pieds. Puis il mesura 1000 autres coudées, et il me fit passer au travers de ces eaux-là, et elles me venaient jusqu'aux 2 genoux. Puis il mesura 1000 autres coudées, et il me fit passer au travers de ces eaux-là, et elles me venaient jusqu'aux reins. Puis il mesura 1000 autres coudées, mais ces eaux-là étaient déjà un torrent, que je ne pouvais passer à gué, car ces eaux-là s'étaient enflées, c'étaient des eaux qu'il fallait passer à la nage, et un torrent que l'on ne pouvait passer à gué. Alors il me dit, « Fils d'homme, as-tu vu ?» Puis il me fit aller plus outre, et me fit revenir vers le bord du torrent. Quand j'y fus revenu, voilà un fort grand nombre d'arbres sur les deux bords du torrent. Puis il me dit, « Ces eaux-ci se vont rendre dans la Galilée orientale, et elles descendront à la campagne, puis elles entreront dans la mer, et quand elles se seront rendues dans la mer, les eaux en deviendront saines. Et il arrivera que tout animal vivant, qui se traînera partout où entrera chacun des deux torrents, vivra, et il y aura une fort grande quantité de poissons. Lors donc que ces eaux seront entrées là, les autres en seront rendues saines, et tout vivra là où ce torrent sera entré. Pareillement il arrivera que les pêcheurs, se tiendront le long de cette mer, depuis Enguedi jusqu'à Enéglagim, tellement que tout ce circuit sera plein de filets, tout s'étendu pour prendre du poisson, et le poisson qu'on y pêchera, sera en fort grand nombre, chacun selon son espèce, comme le poisson qu'on pêche dans la grande mer. Ces marais et ces fosses ont été assignés pour y faire le sel, à cause qu'elles ne seront point rendues saines. Et auprès de ce torrent, et sur ses deux bords, il croîtra des arbres fruitiers de toutes sortes, dont le feuillage ne flétrira point, et où l'on trouvera toujours du fruit, dans tout leur mois ils produiront des fruits hâtifs, parce que les eaux de ce torrent sortent du sanctuaire, et à cause de cela leur fruit sera bon à manger, et leur feuillage servira de remède. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, ce sont ici les frontières du pays, dont vous vous rendrez possesseurs en titre d'héritage, selon les 12 tribus d'Israël, Joseph en aura 2 portions. Or vous l'hériterez l'un comme l'autre le pays touchant, lequel j'ai levé ma main de le donner à vos pères, et ce pays-là vous échéra en héritage. C'est donc ici la frontière du pays, du côté du septentrion, vers la grande mer, savoir, ce qui est du chemin d'Étlon, au quartier par où l'on vient à Tseda, où sont Hamath, la contrée tirant vers Béroth, et Sibrajim, qui est entre la frontière de Damas, et entre la frontière de Hamath, et les bourgs d'entre deux, qui sont vers la frontière de Oran. La frontière donc prise de la mer sera à Tsarénan, la frontière de Damas, et le septentrion qui regarde proprement vers le septentrion, savoir, la frontière de Hamath, et le canton du septentrion. Mais vous mesurerez le côté de l'Orient depuis ce qui est entre Oran, Damas, Galara, et le pays d'Israël qui est de là le Jourdain, et depuis la frontière qui est vers la mer orientale, et ainsi vous mesurerez le canton qui regarde proprement vers l'Orient. Puis vous mesurerez le côté du Midi, qui regarde proprement vers le vent d'Otan, depuis Tamar jusqu'aux eaux des débats de Cadet, le long du torrent jusqu'à la grande mer, ainsi vous mesurerez le canton qui regarde proprement vers le vent d'Otan, tirant vers le Midi. Or le côté de l'Occident sera la grande mer, depuis la frontière du Midi jusqu'à l'endroit de l'entrée de Hamath, ce sera là le côté de l'Occident. Après cela vous vous partagerez ce pays-là, selon les tribus d'Israël. À condition toutefois que vous ferez, que ce pays-là échéra en héritage à vous, et aux étrangers qui habitent parmi vous, lesquels auront engendré des enfants parmi vous, et ils vous seront comme celui qui est né au pays entre les enfants d'Israël, tellement qu'ils viendront avec vous en partage de l'héritage parmi les tribus d'Israël. Et il arrivera que vous assignerez à l'étranger, son héritage dans la tribu en laquelle il demeurera, dit le Seigneur, l'Éternel.